contes fées, l'univers de Louise Desmond. Écoute, petit, écoute. Je suis venue te raconter l'histoire d'Ahmed. Il est dans le désert. Ça fait des jours et des jours qu'il marche. Il fait chaud. Du sable, des dunes. Du sable, des dunes. À l'horizon, l'air qui danse sous la chaleur. Et il marche. Il va mourir, Ahmed. Ça fait une heure qu'il a avalé sa dernière gorgée d'eau. Mais il marche, il marche. Tout à coup, là-bas, miracle, mirage. Miracle, mirage. Une oasis. Alors Ahmed avance vers l'oasis. Il avance et plus il avance, plus elle se fait présente. Miracle, miracle, c'est une oasis. Alors Ahmed se précipite la tête la première dans l'eau. Il boit, se mouille la tête, se mouille, il boit, il boit. Oh, oh. Et puis il s'allonge à l'ombre d'un palmier et il s'endort. Quand il se réveille, la nuit est tombée. Il s'adosse à un arbre. Il a faim maintenant, il a faim. Machinalement, il ouvre son petit sac, cherche quelque chose, mais il ne trouve que sa lampe torche et quelques bricoles. De l'autre main, il l'avance un peu comme ça dans le sable, et miracle, miracle, il trouve un petit sachet qu'il va ouvrir évidemment. Des dattes, des figues. Alors Ahmed les mange. Oh, jamais roi ne fit un tel festin. Il mange, et puis comme ça, au bout d'un moment, il prend sa lampe torche et éclaire le contenu du petit sac. Les vers grouillent sur les fruits. Ah. Ahmed éteint sa lampe torche, la range dans son petit sac et continue à manger. Tu vois, petit, si ventre affamé n'a point d'oreille, il n'a point d'yeux, à l'évidence. Mais nous-mêmes, jusqu'où irions-nous pour assurer notre survie ?